d'élire arbitrairement des personnes qui peuvent bénéficier d'un titre de séjour. Autrement dit, il n'existe aujourd'hui aucun critère d'analyse clair inscrit dans la loi pour permettre d'évaluer les dossiers. Une proposition de loi citoyenne, c'est un mécanisme qui permet de déposer notre propre projet de loi directement au Parlement fédéral. Si nous récoltons 25 000 signatures avant le 17 mai, notre proposition de loi sera débattue au Parlement fédéral. Nous sommes vos voisins et vos collègues. On habite ici, on travaille ici. Nos enfants vont à l'école ici, nous nous occupons de vos aînés, de vos enfants et on a construit des liens solides entre nous. On travaille tous les jours sans protection sociale, dans des jobs en pénurie, à la merci des patrons qui nous exploitent. On ne peut plus accepter l'inaction du gouvernement. Alors devenez l'une des 25 000 personnes porteuses d'un projet de loi pour la régularisation des personnes sans papier. Vous venez d'écouter l'appel de la campagne In My Name. Et donc, la situation d'aujourd'hui, c'est que la date limite s'atteint très vite. C'est le 17 mai. Et donc, cette campagne vise à récolter les 25 000 signatures nécessaires pour imposer un débat au sein du Parlement fédéral sur une question donnée à partir d'une proposition de loi d'initiative citoyenne. La proposition de loi, soutenue par la campagne In My Name, vise l'inscription dans la loi belge de critères clairs permettant la régularisation des personnes sans papier vivant en Belgique, ainsi que la mise en place d'une commission indépendante. À ce jour, au total, 11 352 signatures sur les 14 500 nécessaires ont été récoltées en région flamande. 8 300 signatures sur les 8 000 nécessaires ont été récoltées en région wallonne. 3 835 signatures sur les 2 500 nécessaires ont été récoltées en région de Bruxelles-Capitale. Soit quelques 23 487 signatures de soutien citoyen à la régularisation des sans-papiers à travers tout le pays. Il reste 14 jours avant la date de clôture de la pétition le 17 mai prochain. 14 jours donc pour récolter les 3048 signatures manquantes en Flandre et gonfler le score dans les deux autres régions. Pour cela, les sans-papiers ont besoin de vous. Comment aider ? Vous n'avez pas encore signé la pétition, c'est le moment de le faire, surtout si vous êtes domicilié en Flandre. Toute personne belge ou en séjour légal en Belgique âgée de plus de 16 ans peut signer la pétition, en mettre la ligne sur le blog de Tranche d'Anard. Vous êtes étudiant et logé sur un campus, organisez une soirée de récolte de signatures dans votre côte et ou une tournée des CAP afin de récolter un maximum de signatures durant les deux prochaines semaines. Vous êtes enseignante, organisez un débat ou temps d'échange avec vos étudiants sur la situation des personnes sans papier et permettez à ceux et celles qui le souhaiteraient de signer la pétition en fin de cours. C'est l'occasion à jamais d'aborder la question. Vous habitez à Gand ou dans les environs, participez au week-end de récolte de signatures les 14 et 15 mai. Plus d'infos sur un événement Facebook qu'on lance aussi sur le blog de tranchedanard.noblogs.org. Vous travaillez en région wallonne ou en région flamande, organisez la récolte de signatures sur votre lieu de travail. Prévoyez un ordinateur avec lecteur de carte d'identité électronique et mettez une ou plusieurs plages horaires en place pour que vos collègues puissent venir signer, sur le temps de midi par exemple. Transmettez ce mail à vos collègues et dans vos réseaux respectifs avec l'appel signature. Relayez l'appel à signature sur les pages Facebook de vos organisations. Des formulaires de récolte de signatures au format papier sont également disponibles. Si vous les utilisez, envoyez ensuite un scan de la page rempli à l'adresse contact@inmyname.be. Et donc après, ils donnent pour la région Bruxelles-Capitale le lien pour la région flamande et pour la région wallonne. Mais tout ça, donc on va mettre sur notre blog de tranchedanard.noblogs.org. Merci pour votre soutien passé, actuel et à venir à la cause des sans-papiers, on peut y arriver solidairement. In My Name. Pour qui ? C'est pour qui ? La liberté ? L'égalité ? Fraternité ? Solidarité ? Du respect ? Sans bout de papier ? Où nous la main ? Où nous la main ? Et maintenant, on lance le premier reportage sonore du podcast Lance-Pierre. On commence avec le prologue qui revient sur l'origine du projet et permet à ses auteurs-autrices de se présenter et de situer leurs propos. Un premier épisode a déjà été diffusé pendant l'émission Transgenre en mois de mai 2021 et on peut retrouver ce premier épisode sur SoundCloud sur le nom Lance-Pierre épisode 1 intitulé « Qu'est-ce que c'est un centre fermé ?» Le deuxième épisode qu'on lance aujourd'hui interroge le lien entre racisme, colonialisme et centre fermé. Si le premier centre fermé en Belgique est inauguré en 1988, l'idéologie coloniale instituant leur existence et le système dans lequel l'enfermement des personnes migrantes et sans papiers s'inscrit prend racine bien avant. Dans ce deuxième épisode de Lance-Pierre, il tente de comprendre et de décrypter les liens existants entre racisme, colonialisme, frontières et centres fermés, en compagnie de deux membres du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations et du collectif DENIF, D-E-N-I-F, collectif pour la défense des étudiants noirs internement aux frontières. L'ensemble des contenus donc sont écoutables via un lien qu'on va mettre sur le blog de Transgenre à SoundCloud. Bonne écoute. Bienvenue dans le prologue du podcast Lance-Pierre, du collectif Getting the Voice Out, sur la thématique des centres fermés. Avant de débuter cette première saison, nous avons trouvé important d'expliquer ce qui nous a poussé à créer ce podcast. On voulait aussi en profiter pour situer notre propos, qui nous sommes et d'où nous parlons. Nos sociétés sont structurées par des systèmes de domination qui se matérialisent notamment à travers les frontières et ce qu'elles produisent. Détention en centre fermé, expulsion, rafles et arrestations, fichage, logique de contrôle et de tri, violence policière, et on en passe. Et les combats contre ces formes de domination empruntent de nombreux chemins. Nous avons choisi de mener la lutte contre les centres fermés et les expulsions. Nous, c'est Getting the Voice Out, un collectif autogéré qui se bat depuis plusieurs années en soutien aux personnes exilées, confrontées aux lois belges et européennes, répressives et racistes. Des politiciens et des associations parlent de rendre ces conditions de détention en centre fermé plus humaines. Un tel discours normalise et maintient l'existence des centres fermés. Pour nous, tant qu'il sera question de gérer des flux migratoires, de contrôler celles et ceux qui ont le droit d'entrer, de rester ou de sortir, ces politiques vont continuer à générer des différences, des jugements arbitraires entre les bonnes et les mauvaises personnes migrantes. Ces politiques, elles sont vouées à perpétuer toujours plus de présence militaire, de barbelés, de murs visibles et invisibles pour surveiller les frontières. L'accès aux informations concernant les centres fermés et ce qui s'y déroule est quasiment inexistant. Les seuls points de vue que l'on peut entendre à travers les médias dominants sont ceux des autorités qui enferment et expulsent. Jamais la voix de celles et ceux qui sont concernés par ces politiques. Le podcast Lance-Pierre poursuit l'objectif du collectif Getting the Voice Out, celui de faire sortir la voix des personnes enfermées et concernées par la violence des frontières. Dans un contexte de répression et de surveillance constante où tout est mis en place pour étouffer cette réalité, comment collecter ces paroles ? Comment les rendre audibles ? Dans ce collectif, nous sommes des personnes avec papier, presque toutes blanches. Nous ne partageons pas les mêmes réalités que les personnes détenues. Nous jouissons de nombreux privilèges générés par ce même système qui les enferme. Nous ne serons jamais catégorisés comme migrantes ou migrants lorsque nous quittons notre pays. Nous serons considérés comme des touristes ou des expats. Nous ne craignons pas les contrôles aux frontières et encore moins des arrestations guidées par notre couleur de peau dans l'espace public, autrement dit des rafles. Nous ne sommes pas des experts et expertes de cette question. Nous soutenons les luttes des personnes concernées. Nous questionnons fréquemment notre façon de soutenir. Nous savons que nous bénéficions de nombreuses ressources qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Par exemple, nous jouissons de nos droits. Nous maîtrisons la langue du pays dans lequel nous vivons, nous en connaissons le système administratif, nous avons accès à des ressources financières, accès aux médias, etc. Nous savons que notre voix sera plus facilement entendue par les journalistes, les associations, les universitaires, car elle est moins silencieuse que celle des personnes concernées. Nous ne voulons pas pourtant prendre la parole à la place d'eux. Nous restituons donc les paroles que nous récoltons et tentons de les diffuser le plus largement possible. Nous avons pour cela un site internet, gettingthevoiceout.org, sur lequel paraissent fréquemment des témoignages de détenus sous forme d'écrits ou d'audio. Au fil des années, ce sont près d'une centaine de témoignages qui ont été collectés. Les vécus se rejoignent, mais ne se ressemblent pas. Derrière ces voix anonymisées, ce sont des trajectoires de vie, des expériences, des façons de se raconter qui sont uniques. La mauvaise qualité sonore des témoignages enregistrés en dit long sur la difficulté de faire sortir ces voix. Les personnes concernées ne peuvent pas avoir de smartphone à l'intérieur. L'accès à Internet est très limité. À ça s'ajoute le stress et l'angoisse des personnes détenues. C'est assez fréquent que quand une personne parle, il y ait des représailles de la part de l'institution carcérale. Attention, tout au long de ce podcast, une réalité choquante et dure est partagée. Des violences sont décrites à travers des témoignages sensibles. Prenez soin de vous, écoutez-le dans de bonnes conditions, seul ou à plusieurs. N'hésitez pas à prévoir des moments d'échange ou à nous écrire si vous le voulez. Nous avons voulu explorer de nouvelles façons de valoriser et visibiliser ces histoires, parcours de vie et récits de lutte, et de faire connaître au plus grand nombre la réalité des centres fermés. Si nous avons eu envie de le partager, c'est que la rencontre de ces personnes et de leur lutte nous a permis d'avancer dans notre réflexion, et nous espérons que cela sera aussi votre cas. Parce que ces centres sont une abomination. Chaque seconde qui perpétue leur existence est une seconde de trop. Parce que les voix des enfermés doivent être entendues. Merci à toutes ces personnes qui luttent au quotidien, dignes et courageuses, de nous avoir livré leurs mots, leurs espoirs, leur révolte et leur colère. À très vite et bonne écoute. Nous allons être plus répressifs pour les gens qui abusent notre hospitalité, les criminels, les délinquants, les réfugiés économiques. Ce sont des illégaux qui sont ici que pour faire des actes criminels. S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de frontières. S'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de migration, juste des voyages. Lance-Pierre, le podcast du collectif Getting the Voice Out. Un podcast qui brise les frontières. Merci, on va les centres fermés. 3, 2, 1. Vous écoutez Lance-Pierre, un moment dédié à la lutte contre les centres fermés et pour la liberté de circulation et d'installation de toutes et tous. Les centres fermés sont des prisons pour personnes migrantes. En Belgique, comme ailleurs, des femmes, des hommes et parfois même des enfants sont enfermés pour être expulsés. Ce podcast du collectif Getting the Voice Out s'inscrit dans une lutte pour l'abolition des frontières, oppressives, racistes et coloniales, et plus largement dans une logique anticarcérale. Mettons fin à l'enfermement et à la déportation des personnes migrantes. Bonne écoute. Salut Maria. Bonjour Carole. Et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous écoutent. Eh bien, nous revoilà autour de ce micro pour introduire le deuxième épisode du podcast Lance-Pierre du collectif Getting the Voice Out. Getting the Voice Out, c'est un collectif qui soutient les luttes à l'intérieur des centres fermés en Belgique. Les centres fermés, on les a définis dans le premier épisode de Lance-Pierre, donc on vous invite à l'écouter si vous voulez en savoir un peu plus. Et donc, à force d'être témoin des effets du racisme sur les personnes en centre fermé, qui sont pour la plupart racisées, on s'est posé la question du maintien, à travers les générations, de cette idéologie raciste. Différentes questions qui vont faire un fil rouge pendant cet épisode, c'est depuis quand cette idéologie raciste existe, à quoi sert-elle et comment elle se traduit dans les institutions. Maria, tu utilises le terme de personne racisée. C'est un terme qui va revenir un peu au cours de l'épisode. On va aussi parler de racisme structurel pour parler des centres fermés et des frontières. Alors juste en quelques mots, définir ce qu'on entend derrière ces termes-là. Racisme structurel, en fait, on considère qu'il y a plusieurs formes de manifestations du racisme dans nos sociétés. On peut plus facilement déceler les formes de racisme plus primaires, telles que des insultes ou des remarques. Mais le racisme est également implanté directement dans l'organisation de nos sociétés et dans le fonctionnement de nos institutions, de tous nos espaces de rencontres partout, sans forcément qu'on s'en rende compte. Et ça génère plusieurs formes de discrimination pour les personnes qui subissent ce racisme-là. Par exemple, discrimination à l'embauche, au logement, les contrôles aux faciès, sont toutes des manifestations du racisme structurel. Et les centres fermés en sont une aussi. Et peut-être que, Maria, tu peux définir ce qu'on entend derrière le terme « personne racisée ». Alors, à Getting, déjà, quand on parle de personne racisée, ça fait référence à la race. Et nous, on ne voit pas la race comme quelque chose de biologique. On voit vraiment la race comme une construction sociale et historique qui évolue en fonction des époques, des espaces socioculturels. Et en fait, une personne racisée, c'est une personne qui est victime de racisation. La racisation, c'est un processus qui va assigner, c'est-à-dire figer l'identité d'une personne ou d'un groupe humain, et ça va être basé sur la race humaine. Ça va avoir comme conséquence que souvent, il y a des groupes sociaux qui vont être hiérarchisés en fonction de telle race ou telle race, sociologiquement construite. On va avoir plus ou moins de possibilités d'accès à certaines choses. Et d'autres personnes vont avoir moins d'accès et vont être altérisées. Alors, pour introduire cet épisode, on avait envie de commencer par vous proposer l'écoute d'un témoignage. C'est un témoignage qui date d'il y a une petite dizaine d'années. Un témoignage qui avait été récolté au sein d'une conversation téléphonique alors que la personne concernée était à l'intérieur, dans un centre fermé. Je suis arrivé en Belgique depuis le 9 novembre 2010 à 15h30. Je suis arrivé à l'aéroport des Aventins comme tout passager. J'ai présenté mon passeport au service de l'immigration. Le monsieur qui travaillait voulait bien mettre, mais un autre est arrivé. Il dit, mais je vais bien voir ses passeports. Et après, il me posera des questions. Ce que je suis venu faire en Belgique. Et tout de suite, je lui ai dit, non, mais je suis venu en Belgique pour raison d'études. Quelles études? J'ai dit, non, je viens faire une spécialisation en criminologie. Il regarde la profession. Il dit, vous êtes avocat? J'ai dit, oui, je suis avocat. Est-ce que je peux avoir votre carte d'avocat? Je sors ma carte d'avocat, je lui présente. Vous allez étudier dans quelle université? J'ai dit, je vais étudier à l'Université libre de Bruxelles. Est-ce que je peux avoir votre document d'inscription? Il voit les documents. Il dit, mais la rentrée, c'était le 15 octobre. Vous êtes en retard, donc vous ne pouvez pas entrer. J'ai dit, non, mais je suis effectivement en retard par rapport à la date. Mais j'ai une dérogation spéciale de l'université qui m'accorde un délai supplémentaire jusqu'au 15 novembre. Mon délai allait jusqu'au 15 novembre. J'étais à l'aéroport le 9 novembre. Le monsieur s'est dit, non, veuillez me suivre dans mon bureau. Je suis entré avec lui. Il m'a demandé d'attendre dans une salle. C'est une salle vitrée. Donc, on pouvait voir de l'extérieur toutes les personnes qui passaient. Et toutes les personnes de l'extérieur pouvaient nous voir. Donc, j'ai dit attendre près de 45 minutes. Je suis entré chez l'inspecteur. Au moment où je prenais la parole, monsieur qui m'avait interpellé au passage reviendra et dit, mais passez-moi ce passeport, qu'il vienne chez moi. Il a dépossédé les documents à l'autre qui voulait m'interroger. Nous sommes allés dans son bureau. Expliquez-moi encore très bien, qu'est-ce que vous êtes venu faire en Belgique? J'ai dit, mais vous l'avez vu, mes documents attestent, j'ai un visa d'études, long séjour, bon et difforme. Il regarde. Il dit, vous êtes avocat? J'ai dit, oui, mais je l'ai dit, je suis avocat. Alors, il prononcera une phrase qui a été... je me suis rendu compte, c'est peut-être ça le détonateur. Vous, les avocats noirs, vous êtes très malins. Je répète bien, vous, les avocats noirs, vous êtes très malins. Je vais te faire refouler. Le témoignage que nous venons d'écouter a été enregistré en 2010 et la personne en question avait été arrêtée à l'aéroport de Zaventem avant d'être emmenée en centre fermé. On voit bien comme son histoire témoigne du plein pouvoir en fait que les agents de contrôle aux frontières détiennent et le racisme sur lequel sont fondées leurs décisions et leurs agissements. Il y a une histoire assez récente qui date de l'automne 2021 qui nous fait beaucoup penser au témoignage que nous venons d'entendre. C'est une histoire qui n'est absolument pas un cas isolé, mais qui, pour une fois, avait été un peu visibilisée dans les médias, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est celle de Junior Massoudi Wasso. Junior, c'est un étudiant congolais qui venait en Belgique pour poursuivre ses études d'économie à l'université de Louvain. Et alors que pour son cas, il était administrativement en règle, il s'est finalement retrouvé enfermé en centre fermé. L'histoire de Junior a mobilisé pas mal de personnes autour et donc cette mobilisation a fait que les médias se sont un peu intéressés à son histoire et donc son histoire a été relayée et a été sue. Mais c'est en fait très rare. La plupart du temps, les personnes racisées qui se trouvent en centre fermé se sentent très seules et il n'y a pas du tout de médiatisation autour de leur histoire d'arrestation et d'internement aux frontières. Pour aborder toutes ces questions, on a voulu rencontrer des personnes qui militent sur le terrain des luttes antiracistes et décoloniales. Et nous sommes allés à la rencontre de Yves Kodjo-Lodonou et de Aliou Baldé, tous deux membres de deux collectifs, le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, ainsi que le collectif DENIF. Maria, tu peux peut-être nous expliquer en quelques mots en quoi consistent ces collectifs ? Le collectif DENIF, ça veut dire Défense des étudiants noirs en internement aux frontières. C'est un collectif qui s'est créé à l'automne 2021 autour de l'histoire de Junior Massoudi. Et en fait, c'est un collectif qui, entre autres, organise les mobilisations qui soutiennent les étudiants noirs qui se retrouvent arrêtés et internés dans les centres fermés. Et le second collectif, Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, existe depuis 2010. C'est un regroupement de militants panafricains qui se concentre sur la répercussion dans le présent des effets de l'histoire coloniale. Quand on pense aux institutions qui mettent en pratique le racisme structurel, on pense notamment à l'Office des étrangers. L'Office des étrangers, on en a beaucoup parlé dans le premier épisode, donc on vous invite à aller l'écouter si vous souhaitez en savoir plus. Mais en quelques mots, c'est une institution qui détient vraiment un énorme pouvoir dans la mise en pratique des politiques de frontières. C'est l'Office des étrangers qui prend acte des décisions d'enfermement, d'expulsion, etc. Et ça a été notre point de départ pour introduire l'échange que nous avons eu avec Yves et Aliou. Et donc c'est Aliou qui va en premier lieu prendre la parole. L'Office des étrangers aujourd'hui répond à une logique coloniale qui a été pratiquée autant sous ce qui s'appelait à l'époque l'État indépendant du Congo que le Congo belge par la suite. On pourrait la qualifier de l'État dans l'État. L'État dans l'État, c'était une entreprise tellement puissante, tellement influente sur le plan économique qu'elle en arrivait à influencer les décisions politiques depuis Bruxelles. Donc en fait, l'Office des étrangers est l'État dans l'État, tout comme le service des équivalences, tout comme un certain nombre de mécanismes comme ça spécifiques aux étrangers. Et on constatera que ces mécanismes-là échappent à tout contrôle démocratique. C'est-à-dire que l'Office des étrangers, le service des équivalences n'ont aucun contre-fou. Le problème ici, et c'est ça de l'avis des avocats qui introduisent des recours contre l'Office, c'est qu'ils se rendent compte qu'en fait, en réalité, il n'y a personne qui peut aller contre l'avis de l'Office des étrangers. L'Office des étrangers s'appelait avant la police des étrangers, avant que ça ne change de nom vers les années 90. C'est ce qui permet à la police ou à la gendarmerie de surveiller l'intégrité intérieure de l'État à travers les personnes, parce qu'ils estimaient que lorsqu'il y a un groupe d'étrangers quelque part, on ne les connaît pas à la base. Qu'est-ce qu'ils sont? C'est des criminels? C'est des voyous? C'est ça qui pose problème. C'est comme celui qui détient l'autorité de force de police à l'aéroport va devenir un superman face au simple citoyen qui est devant lui avec son visa et lui comprend même pas ce qui se passe. Donc la parcelle de pouvoir qu'ils vont détenir, ils vont l'utiliser à tort et à travers à l'Office des étrangers qui est vraiment une force dans le pays qui peut décider de l'avenir d'un citoyen lambda qui arrive en Belgique, s'il doit vivre en Belgique ou pas, quels sont les documents dont il peut être en possession. Donc, l'Office des étrangers, c'est très, très, très, très puissant. Très puissant. Il ne faut pas perdre de vue que la police, toutes ces institutions, ont une mission particulière, c'est de protéger le système libéral, néolibéral, capitaliste, tout ce que vous voulez, pour que ça puisse se perpétuer, avoir l'hégémonie sur le reste de la société, avec une minorité qui contrôle le capital et qui met les autres au pas. Parfois, à la fin de certaines journées, une forme de lassitude terrible nous submerge. Parfois, c'est dès le matin que la bête nous attaque. C'est comme une énorme vague qui s'abat sur nos tronches. Une énorme vague chargée de toutes les crasses du vieux monde. Une déferlante. Une déferlante charriant toute la pourriture raciste des journaux et des réseaux sociaux. Une déferlante marée coupante, nausée plombante, une agression, plus une agression, plus une agression, plus une agression, plus une agression. Ces jours-là, on se dit que nos réunions et nos mobilisations ne servent à rien. On se dit que personne ne peut terrasser le désert. On se dit que personne ne peut venir à bout des dragons à crête blanche. On sait pourtant. On sait que ce n'est pas pour nous les fruits de la lutte. On sait que ce n'est pas pour demain. On le sait et on lutte et on lutte. En fait, l'Office des étrangers, c'est une institution qui est liée au passé colonial de la Belgique. C'est un tout petit maillon d'un système beaucoup plus général que nous, on aime bien appeler le système frontière. Et ce système frontière, c'est encore seulement un maillon qui tient place dans une construction du monde très hiérarchique. Cette hiérarchisation de nos sociétés, cette hiérarchisation du monde, elle génère plein d'inégalités en termes d'accès. Nous, ici, on va surtout parler de la question de l'accès au territoire parce qu'on se penche sur la question des frontières. Mais en fait, qui a accès à quoi au niveau des capitaux, au niveau de la parole, au niveau de nos institutions politiques ? Qui est-ce qu'on voit le plus souvent ? Qui occupe des postes de pouvoir dans nos sociétés ? Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, cette hiérarchisation qui s'appuie sur cette notion de racisme et de racisation, comme on l'expliquait au début, elle se situe vraiment, mais partout. On s'est demandé aussi, en fait, quelle idéologie derrière il y a de ce que nous, on appelle un système raciste. Et bien là, on vous propose de continuer à entendre Yves et Aliou qui ont longuement parlé de cette question-là et qui vont nous expliquer quelles sont justement ces idéologies dont on parle. C'est les centres fermés, qui ne sont pas vus comme des prisons, qui ne sont pas vus comme de la criminalisation, qui sont vus comme de l'éloignement pour non seulement mettre ces personnes en sécurité, mais aussi mettre le reste du monde en sécurité. Nous les autres, nous les étrangers, perpétuels étrangers, nous sommes du bétail électoral concrètement pour le système, parce que toutes les logiques sécuritaires qui visent à dire plus on va mettre de prison, plus on va contrôler les frontières, plus vous serez en sécurité, vous ici, c'est évidemment la majorité blanche. Ce bétail-là que nous sommes sert régulièrement au monde politique. Plus le discours raciste s'impose dans les médias, plus en fait, c'est pas la gauche traditionnelle qui se renforce. Elle se droitise. Elle constate que pour draguer cet électorat-là, il faut parler un peu comme parle Théo Franken, comme parle Maggie de Bloch, comme parle Sami Mahdi, etc., etc. Donc cette logique sécuritaire-là ne découle pas de nulle part. Il y a un principe fondamental dans les sociétés blanches construites sur base de capitalisme, d'esclavage et de colonisation, c'est qu'il faut tout faire pour rassurer la norme. Et la norme, c'est les blancs. D'où l'explication du fait de criminaliser les autres, les étrangers, qui, quand bien même ils sont nés, ont grandi ici sur 2, 3, 4, 5 générations, peut-être même à la 20e génération, on entendra toujours que nous sommes des étrangers. Il y a des droits spécifiques qui sont alloués à ces personnes-là. Et même les droits les plus fondamentaux sur le plan démocratique ne concernent pas ces personnes-là. On le sait, mais ces jours-là, jour de brèche, jour de gerbe, jour de giclée apocalyptique, on se dit que, peut-être, même nos enfants n'en verront pas la fin de cet interminable tunnel. Ces jours-là, il y a danger pour notre courage et pour notre détermination. Il y a danger pour nos voix. Danger, danger, danger d'extinction des voix. Ces jours-là, il n'y a pas à dire, ça craint vraiment. Ça pue la régression à 10 000 km à la ronde. Ça pue des types qui jouent des coudes et de la crotte. Ça pue Laurence, prisonnier dans les replis. Ça pue. Ça pue la rebours féroce. Ça pue les nanas comme nous. Les nanas qu'on sort comme des tapisseries du dimanche pour colorer les assemblées, colorer les livres, colorer les rangs et se dédouaner de tout le reste et de tous les autres. Ça pue la menace de tout. Menace, menace de remplacement, de fin. Fin de race, fin de vie. Fin du temps béni des colonies. Fin de fermer sa gueule. Ça pue. Ça pue jusque sous le sel de la mer. Ça pue le dératiseur pour hommes. Toi, homme noir. Toi, homme rome. Toi, homme arabe. Ça pue. Cave humide. Cerveau vide, multiplication des frontières et des décrets et des arrêtés royaux. Ça pue les troupeaux morts, ça pue les fronts bas, ça pue les sauterelles, ça pue les ténèbres, les pantoufles, les monnaies de singe et comptes d'apothicaire, ça pue. Alors, on relit nos anciens textes, on relit nos anciens poèmes, on relit et on les relit pour ne pas se décomposer, pour ne pas capituler. Pour tenir. Tenir debout, tenir fierté, tenir justice, tenir. On relit nos anciens textes, on relit nos anciens poèmes, nos premiers, nos naïfs, nos sans artifice, textes des débuts, textes des aurores, car eux seuls peuvent nous crier qu'elles ne sont pas zinzins, pas ouin-ouin, qu'elles ne sont pas parano, pas hystériques, qu'elles ne sont pas folles. Tenir. En fait, il y a le premier mensonge qui a été construit à partir duquel découle tout le reste et qui biaise complètement la vision qu'on peut avoir d'un système. C'est la construction de l'imaginaire de personnes découvertes, de personnes qui n'avaient pas de civilisation et qui donc sont des sauvages. Parce que quand la dictature s'applique sur eux, ce n'est pas la dictature, c'est un régime éclairé. Donc toute la logique dans laquelle nous sommes, et tous les mécanismes qui s'appliquent à nous, les autres, les corps noirs et autres, en fait, il y a déjà dans le conscient et dans l'inconscient collectif des choses qui ont été intégrées. Nous, nous sommes le danger. Alors que nous avons plus le droit d'avoir peur du reste du monde. Parce que c'est nous qui sommes mis en danger. Et on ne parle pas de notre peur. C'est de la peur que nous sommes, nous serions dans l'imaginaire pour la société. C'est de cette peur-là qu'on construit toutes les autres logiques sécuritaires, qui sont tout à fait antidémocratiques, mais qui n'ont pas l'air tellement de déranger. Parce que dans le darwinisme social, on part du primate à l'homme blanc. Homme blanc vu évidemment comme étant le stade le plus ultime de l'évolution de l'être humain. Dans ce darwinisme social-là, nous autres, nous sommes les êtres bloqués dans ce darwinisme social. Nous ne sommes pas en évolution, malgré le fait qu'on nous dit depuis des siècles que d'abord on va nous civiliser et que après on va nous développer, nous aider tout le temps, hein, ce discours proprement infantilisant. Nous sommes bloqués dans ça et nous devons toujours attendre que peut-être celui qui est au bout de la chaîne là-bas tourne la tête et nous regarde et nous dise « bon, suivez-moi ». Et ça revient au discours de Fanon. Le destin du nègre est d'être blanc. Devons faire comme la norme. Tout ce besoin toujours de nous dire, il faut vous intégrer, il faut vous assimiler. Du plus loin possible que je peux penser à l'histoire, je peux te dire Charles Martel, Mais à la même époque, dans mon Fouta Djallon, il se passait quoi? C'est-à-dire qu'on ne m'a pas construit comme étant acteur. Il y a un humoriste qui disait « Je vole une voiture aujourd'hui, on m'arrête, je dis non, je n'ai pas volé, j'ai découvert. » Parce qu'en réalité, quelqu'un vient chez toi du jour au lendemain, il ouvre la porte et tu ne l'as pas invité et il t'a tout de même découvert. Ton histoire commence à partir de là et il t'invente une histoire d'où on les appelle encore les Indiens. Mais qui les a appelés comme ça? Le système ne change pas en tant que tel, il change sa façon de communiquer avec les gens. La voie que nous prenons, nous, c'est la désintégration. Nous voulons nous désintégrer de la blanchité. Comme viennent de l'expliquer Aliou et Yves, il y a une distinction et une hiérarchisation historique qui a été faite entre personnes blanches et personnes non blanches. Et ça permet de servir la propagande esclavagiste et raciste. Alors une manière que j'ai de le comprendre, c'est de diviser cette partie théorique en différentes questions. C'est-à-dire, ce système esclavagiste et raciste, depuis quand il existe? Ça, on en a parlé juste avant. Quels sont les effets qu'il a dans le quotidien et puis surtout, à quoi il sert? Donc, quels sont les effets? Comment il se traduit? Mais par exemple, une manière de traduction de système raciste, c'est de diminuer l'apport des personnes racisées au monde. Pour ça, il y a une notion qui, moi, m'a beaucoup éclairée, c'est la notion de chercheur en Amérique latine. Par exemple, Aníbal Quijano, qui parle de « colonialité du savoir ». Alors, qu'est-ce que c'est la colonialité du savoir? C'est en fait tout un processus qui a pour fonction de délégitimer la parole et de parler à la place des personnes racisées. En fait, Aliou, il parle de ce processus et lui, il dit il n'y a qu'une référence, c'est la blanchité. C'est-à-dire que, bah, par exemple, dans les politiques, dans les médias, on donne surtout la parole aux personnes blanches et pas du tout à la parole aux personnes concernées. Ça me donne envie de rebondir sur une autre phrase que je trouve assez marquante, que dit, je pense, Aliou. C'est « le système ne change pas, il change sa manière de communiquer ». En fait, ça me fait penser à la manière dont les médias s'emparent de la question des personnes migrantes et au vocabulaire utilisé. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'en fait, l'approche coloniale, elle appartient fort au passé. C'est vrai qu'on a pu employer des termes tout à fait horrible pour qualifier les populations colonisées. Et quand tu ouvres le journal et que tu lis un article qui concerne la question des migrations, tu vois des termes qui sont souvent les mêmes et qui sont souvent très, très réducteurs. On parle du migrant ou du transmigrant, terme plus récent. On parle des illégaux. On fait comme si c'était en fait une figure uniforme, comme s'il n'y avait pas d'expérience et de trajectoire diverses. Et comme si c'était une espèce de masse comme ça dont on devait avoir peur. En fait, aujourd'hui, on emploie, j'ai l'impression, les mêmes mécanismes pour, au final, justifier les inégalités d'accès au territoire, pour justifier l'enfermement ou les expulsions. Ce qui est intéressant, c'est que, comme tu dis, ces mots recouvrent en fait des réalités d'accès au territoire très différentes. Différentes, mais aussi très hiérarchisées. C'est-à-dire que, bah, comme tu disais, les personnes migrantes, en fait, elles n'ont pas accès à de nombreux territoires. Et alors, on peut rajouter à ce mot-là l'autre mot qui est mis en opposition et qui montre bien la hiérarchisation du système frontière, c'est le mot « expatrié ». Les expatriés, quant à eux, ont accès à de nombreux territoires dans le monde entier. Ce qui est aussi fou et vertigineux et qui montre la colonialité des frontières, c'est vraiment le fait que souvent les expatriés viennent de pays qui en fait étaient les anciens pays colonisateurs et les migrants, quant à eux, viennent souvent des pays qui étaient les anciens pays colonisés. Oui, et puis en plus, quand tu viens quelque part avec le statut d'expatrié, c'est pas seulement une question d'accès au territoire et une question de facilité de déplacement, c'est aussi les privilèges que tu vas rencontrer sur ce territoire et les privilèges que tu as en tant que personne blanche. J'avais aussi envie de rebondir, tu vois, Maria, quand Yves amorce en lien avec le système capitaliste et à l'endroit aussi où ça profite de diminuer et de déshumaniser les personnes racisées. Là, on arrive à la troisième sous-question qui, on s'était dit, nous aider à comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est tout système raciste, etc. C'est en fait à quoi ça sert, à qui ça profite. En fait, cette rhétorique qui déshumanise les personnes migrantes, elle sert à valoriser l'autre partie de la balance, c'est-à-dire la toute-puissance d'un système qui est blanc, privilégié. Donc blanc, je précise, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas blanc biologiquement, c'est vraiment la construction sociale. Et ça sert aussi le capitalisme. Tout à l'heure, on lisait une citation de Malcolm Ferdinand. Du coup, Malcolm Ferdinand, c'est un chercheur au CNRS qui est originaire de Martinique. Donc, on le rappelle, la Martinique, c'est un territoire qui a été colonisé par la France. Oui, en fait, Malcolm Ferdinand, qui a beaucoup travaillé sur l'écologie décoloniale, il fait le lien entre capitalisme et racisme. Et donc, je cite ces mots, « Les personnes racisées, issues de l'immigration coloniale et post-coloniale, qui ramassent les ordures des villes, nettoient les places et les institutions publiques, conduisent les bus, les trams et les métros, celles qui servent les repas chauds dans les réfectoires universitaires, livrent le courrier, soignent les malades dans les hôpitaux, celles dont l'accueil souriant à l'entrée des établissements est le gage de sécurité. Ces personnes sont généralement absentes des arènes gouvernementales et non gouvernementales. » Et on pourrait rajouter, ce sont ces mêmes personnes dont les corps sont des corps à jeter, à tuer, à épuiser. Ce sont des personnes qui sont surexploitées, parfois pas du tout payées. Ce sont ces personnes dont le système capitaliste va utiliser la force de travail. Et donc, si on imaginait un monde où les personnes racisées seraient perçues et traitées comme égales, c'est-à-dire un monde où il n'y aurait plus de système de domination, on se demandait, mais en fait, qui garderait les enfants, qui soignerait les personnes âgées, qui conduirait les trams, et de manière internationale, qui paierait à taux plein toutes les matières premières, le diamant, le coltan, les terres rares, toutes les choses dont on a accès dans le nord occidental, et qui sont en fait produites dans le sud global. Et donc voilà, ces politiques migratoires, elles sont ancrées historiquement dans l'histoire coloniale. Et les centres fermés sont en fait un des ravages qui sont produits par tout ce système éminemment raciste en fait. Nous estimons que le fait de créer les centres fermés veut dire qu'on n'est pas sorti de cette nostalgie, même si elle était douloureuse. En regardant tout à l'heure la loi du 15 décembre 1980 portant sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers. Donc, il faut les éloigner. On les éloigne où ? Vers l'autre continent ou dans les centres fermés pour leur faire peur. D'où les centres fermés aujourd'hui en Belgique. Les traitements varient d'un centre à un autre. Comme disait un jeune interné, il dit, ici c'est de la prison, mais ils nous disent que c'est pas de la prison. Manger et dormir et on doit se soutenir pour être fort. Donc c'est une prison. Il n'y a pas un autre nom, c'est une prison, les centres fermés, et logiquement, on doit les fermer. Au moment où on demande qu'on arrête la construction des murs en Palestine, qu'on arrête la construction des murs au Sahara occidental et ailleurs, on ne peut pas se permettre nous-mêmes de créer des centres fermés pour mettre quelqu'un qui n'a tué personne, qui n'a rien fait. Et ton visa n'est pas bon ou je ne t'aime pas, va là-bas, tu vas être interné. Parce que pour détruire le mental, la psychologie des gens, ces pauvres citoyens du Sud, il faut les malmener, il faut les enfermer, pour que quand ils rentrent, ils vont dire aux autres, eh, c'était chaud là-bas, hein, n'allez pas. Hein. Mmh. C'est ça qui est caché derrière le message. Et moi, je pense que l'immigration est devenue une arme politique. Les autorités jugent que je suis illégale parce que j'ai reçu un ordre de quitter le territoire. Une nation ou un pays qui, comment dire, reconnaît que la discrimination raciale est punissable, puisse ouvrir les centres fermés pour enfermer une personne sur base qu'il est étranger, qu'il n'est pas ressortissant du pays. C'est n'importe quoi. L'office décide de toujours me retenir en centre fermé et pour une éventuelle expulsion. L'office des étrangers me demande de rentrer et mourir. La haine, ça pue la haine, les lois des gens qui ne comprennent pas le français, ils sont insultés. Mais quand ils voient quelqu'un qui parle bien français, qui connaît ses lois et ses droits, ben eux, ils n'aiment pas ça. C'est la vérité. Je trouve une mission raciste avec moi. Il n'y a pas de droit de l'homme ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Juste la haine contre nous. C'est des fachos qui travaillent avec nous. C'est des vrais fachos. Aujourd'hui, les Congolais qui sont enfermés à l'heure actuelle, s'ils sont dans cette condition, parce que le Congo a été pillé par la Belgique et les pays des puissances occidentaux, hein. Aujourd'hui, c'est complètement l'hypocrisie, quoi. Qui oubliera quand un noir, on disait « tu ». Non, certes, comme un ami, mais parce que le « vous », honorable, était réservé au seul blanc. Qui oubliera? Ils m'ont dit « tu es une bamboula, une grosse guénon, un cancre là. » Ils m'ont dit « tu es sale, sale bougnoule. Ta mère a couché avec un nègre. Tu es une bâtarde. » Ils m'ont dit « tu devrais retourner dans ton pays, dans ta brousse, dans ta hutte. Tu devrais remonter dans ton arbre, ta liane, tes bananes. Tu devrais remercier la Belgique de t'avoir accueilli, même si tu es né ici. » Qui oubliera quand un noir, on disait « tu ». Tu devras apprendre à passer ton chemin. C'est déjà loué, c'est déjà pourvu, c'est déjà complet. Tu devras apprendre à te justifier. Je suis belge, je suis diplômée, je suis qualifiée. Tu devras apprendre une autre histoire aussi. Afrique, sauvage, sous-développée. T'intégrer, t'assimiler, t'encager, te corseter, te faire douter, te faire avoir peur, te faire avoir honte de ta couleur, te faire oublier tes frères et tes sœurs. Toi, le petit oiseau exotique, la Joséphine Baker, gazelle tigresse, le cul, les fesses. Qui oubliera quand un noir, on disait « tu ». Quand un arabe, on disait « tu ». Quand une Rome, on disait « tu ». Quand toi, mon père, on disait « tu ». Non, certes, comme un ami, mais parce que le « vous », honorable, était réservé au seul blanc. Nous arrivons maintenant à la fin de l'épisode numéro 2 de Lance-Pierre, le podcast de Getting the Voice Out. Avec Carole, on voudrait remercier toutes les personnes pour leurs contributions, pour leur temps, pour leurs enseignements, pour leur lutte. Oui, un merci tout particulier à Aliou Baldé et Yves Kodjo-Lodonou pour leur travail également et pour leur lutte. Et merci à toutes les personnes en fait qui ont contribué à la réalisation de cet épisode. Vous avez pu entendre des textes de l'autrice Lisette Lombé. On a entendu le texte « Ça pue » et le texte « Qui oubliera ?». Donc merci à Lisette Lombé de nous avoir permis d'utiliser ces textes. Et merci à Cécile Rugira, dont vous avez entendu la voix. Alors, c'est le moment de nous quitter. On peut peut-être vous inviter à aller consulter les sites internet des collectifs que nous avons entendus. Donc, le collectif DENIF et le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Si cela vous intéresse de creuser sur les centres fermés et sur la lutte que mènent les personnes en centres fermés, vous pouvez aussi aller voir le site internet du collectif Getting the Voice Out, www.gettingthevoiceout.org. Peut-être avant de vous quitter, on a envie de partager notre solidarité avec les personnes qui continuent à subir ces politiques migratoires et cette politique des frontières. Et donc voilà, on pense à toutes les personnes enfermées. On vous retrouvera pour de prochains épisodes. Et merci aux auditeurs et auditrices pour votre écoute. Et maintenant, on va écouter la chanson Open the Borders, un morceau de Bach 13 qui a été réinterprété par René Binamé. cross the line. On dirty boats, lost in the sea. All drawn of frost, so far from home. All shot to death, like animals. Looking for food, money and work. A better life, a better world. Stupid fences, stupid walls. Protecting nothing, nothing from nothing. It's time to face reality and to change your point of view. Open all the gates you can before it's too late. Open the borders, whoa, and destroy your fucking walls. Open the borders, whoa, let us be free. Voilà, maintenant nous allons passer à l'agenda. Alors avant toute chose, avant de vous donner l'agenda, je voudrais vous rappeler que le 15 mai prochain aura lieu en Suisse un référendum. Et donc ce sera l'occasion pour la Suisse de dire oui à la liberté de circulation pour tous et non à Frontex. En fait, le Parlement suisse a décidé de renforcer l'Agence européenne de protection des frontières Frontex avec 61 millions de francs suisses par an. Mais des militants ont recueilli 50 000 signatures pour un référendum qui aura lieu le 15 mai prochain. En cas de succès, le référendum pourrait faire de la Suisse le premier pays européen à arrêter de financer activement Frontex. En raison de l'acquis de Schengen, il est même possible que la Suisse se retire complètement de Frontex. Voilà, donc c'est quand même super important, on tiendra ça à l'œil. Alors si vous voulez avoir plus de renseignements, vous avez un site qui est frontex-referendum.ch/en/. Voilà. Alors, en ce qui concerne notre agenda, ici en Belgique. Alors, vous avez le 6 mai, à partir de 18h, à l'écluse numéro 20, 20 rue de la Samme, à l'écluse 20 rue de la Samme numéro 7, à 7181 Arken, un dernier concert en hommage à Mitch, un camarade et ami parti trop tôt, une des figures du Barlock, cette salle de concert alternative de Bruxelles où on a tout passé du bon temps et du mauvais temps et qui a permis de lever des fonds pour de nombreuses causes. Donc il y aura deux jours, donc à l'écluse 20 rue de la Samme numéro 7 à Arken. Donc ça sera le vendredi 6 mai et le samedi 7 mai 2022. Voilà, donc vous pourrez redécouvrir ou découvrir certains groupes qui ont marqué la scène bruxelloise. Alors le 6 mai également, il y a comme tous les vendredis de 18h à 21h au Zoetemorgen 32 rue de la Grande-Île à Bruxelles, une permanence de la Lapinothèque. Alors, on vous propose de venir boire un coup, feuilleter, papoter. La Distro Lapinothèque, c'est une table de diffusion de bouquins, zines et autres futilités liées à la critique sociale, mais pas que, parce qu'on aime aussi la littérature, le punk, les cultures populaires, etc. Donc, c'est à partir de 18h au 32 rue de la Grande-Île à Bruxelles. Alors, le 7 mai, il y aura une marche pour Habiba et Ahmed qui ont été tués par le racisme il y a 20 ans. Alors le 7 mai, donc, c'est un crime raciste. Donc le 7 mai 2002, il y a un crime raciste qui a secoué la commune de Schaerbeek. Habiba El Hadji et Ahmed Isman Inasni sont assassinés par leurs voisins militants d'extrême droite. 20 ans plus tard, nés d'une volonté citoyenne pour une société plus saine, juste et inclusive, la fondation Habiba Ahmed organise une marche pour la mémoire et la paix. Donc la fondation Habiba Ahmed aspire à que cette commémoration ait lieu dans un esprit rassembleur et d'unité, en réitérant l'appel qu'il lançait il y a 20 ans. Faites que notre départ ne soit pas vain, que l'avenir soit celui d'une harmonie entre tous les citoyens libérés des dangereuses idées meurtrières. Alors, il y aura d'abord un programme. Donc à 13h30, il y a un rassemblement au 121 rue van der Linden avec un dépôt de gerbes de fleurs. Ensuite, à 14h, c'est le départ de la marche. Et à 15h, c'est l'arrivée et cérémonie au parc Josaphat, près de la buvette Saint-Sébastien, entrée avenue des Azalées. Alors, il est vivement recommandé d'utiliser les transports en commun pour se rendre sur place. L'itinéraire détaillé sera communiqué très prochainement. Alors, si vous voulez plus d'infos et si vous voulez le contact, c'est Fondation 121. Alors, c'est HAFONDATION 121@gmail.com. Voilà. Alors ensuite, vous avez également le 7 mai prochain à Votem, une marche contre le centre fermé de Votem. Et donc 23 ans, Votem, c'est 23 ans de détention illégitime. Alors départ 14h de la place Saint-Lambert, 15h à l'enclos des fusillés de la Citadelle et 15h45 au centre fermé de Votem, rue Visévoix. En effet, depuis 1999, plus de 20 000 personnes ont été détenues au centre fermé de Votem, sur simple décision administrative de l'Office des étrangers, sans l'intervention d'une juridiction, simplement parce qu'elle ne dispose pas ou plus d'un titre de séjour. Plus de 20 000 personnes détenues pourraient être renvoyées vers l'insécurité, c'est-à-dire vers la guerre, la dictature, les persécutions de toutes sortes, politiques, sexistes, homophobes, vers la misère liée à la dette des pays du Sud, à l'inégalité des échanges, au pillage des ressources par les anciens colonisateurs, vers les conséquences du réchauffement climatique. Tant de réfugiés, dont seulement un très petit nombre arrivent en Belgique et se voient refuser l'asile, en grande majorité 60% de refus en 2019, Tant de personnes qui n'ont d'autre choix que de rester ici dans la clandestinité, la précarité et l'exploitation dans les réseaux de travail clandestins, qui n'arrivent pas à obtenir la régularisation de leur séjour et dont certaines se retrouvent dans les centres fermés. Alors aujourd'hui, nous constatons de nombreux dispositifs mis en œuvre pour l'accueil des réfugiés qui fuient la terrible guerre en Ukraine. Nous nous réjouissons vivement de ces dispositions prises. Soulignons tout de même que l'hébergement se fait surtout au sein de familles de citoyens solidaires. Cependant, nous constatons en même temps que les autres candidats à un statut de protection internationale doivent continuer à faire de longues files pour être entendus par l'Office des étrangers. Souvent, ne sont pas hébergés rapidement dans les centres d'accueil et finalement se heurtent à des refus. Donc, c'est un accueil à géométrie variable. On aurait pu espérer que cette tragédie nouvelle et la mobilisation actuelle mise en œuvre ouvre les yeux de notre gouvernement sur la nécessité de repenser la question de l'accueil et des moyens nécessaires à y allouer pour toutes et tous les réfugiés, quelle que soit leur origine. Pas du tout. Au même moment, le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Sami Mehdi, annonce la construction, l'ouverture de 4 centres fermés nouveaux, coût 100 millions. L'urgence ne serait-elle pas de les investir dans l'accueil ? Objectif, passer à une capacité d'enfermement de 1145 personnes, alors qu'elle est actuellement de 751, pour arriver au moins à 10 000 expulsions par an. Construction d'un centre fermé pour étrangers à Jumet, 200 places. À Zandlief, près d'Anvers, 144 places. D'un centre supplémentaire de départ à Stenokerzeel, à côté de Zaventem, où existent déjà les centres 127 bis et Caricol, 50 places. D'un centre de 112 places à Jabek, destiné à remplacer celui de Bruges, trop vétuste, 112 places. De fait, cet accroissement du nombre de centres fermés était prévu dans l'accord du gouvernement Vivaldi, mais nous espérons que les actions menées par les sans-papiers et les soutiens vis-à-vis de la société en général et des partis politiques qui nous assuraient d'un soutien auraient pu porter leurs fruits. Parce qu'il existe une alternance qui va dans une toute autre direction, la régularisation des sans-papiers qui ont acquis ici un nouveau parcours de vie, une insertion dans notre société, des formations, du travail, parce que la guerre en Ukraine nous montre avec plus de proximité ce qui se passe à bien d'autres endroits dans le monde. Nous voulons rappeler que les centres fermés sont des prisons qui cachent leur nom, que la détention en leur sein est une violence quotidienne du simple fait de la privation de liberté, aggravée par les contraintes exercées quand la personne détenue se révolte contre sa détention exacerbée lors des expulsions qui ne peuvent réussir que sous la pression de la force. Marchons encore contre le centre fermé de Votem ce 7 mai pour la suppression des centres fermés, l'arrêt des expulsions, une politique d'asile et d'immigration qui respecte les droits humains, la régulation des sans-papiers. Voilà, donc c'est ce 7 mai à partir de 14h. C'est une marche donc à Liège contre le centre fermé de Votem. Alors, le 8 mai. Alors, il y a un appel pour refaire du 8 mai un jour férié officiel. Alors, pourquoi ce 8 mai n'est-il plus un jour férié en Belgique ? Il s'agit pourtant d'une date historique. C'est le jour où l'Allemagne nazie a été vaincue en 1945. Aujourd'hui, l'extrême droite revient, donc d'abord en chaussons, ensuite avec ses bottes. Faisons à nouveau du 8 mai un jour férié pour nous souvenir et pour rester en alerte. Alors ce 8 mai, donc, il est jour férié dans de nombreux pays européens, comme la France par exemple. Aux Pays-Bas, on célèbre le jour de la libération le 5 mai. Jusqu'en 1974, les écoliers ont bénéficié en Belgique d'un jour de congé le 8 mai. Mais le ministère de l'Éducation de l'époque l'a supprimé. Aujourd'hui, la mémoire du 8 mai s'est estompée. Les syndicats ont formé leurs militants aux droits fondamentaux, aux droits syndicaux, à la menace de l'extrême droite. Les organisations sociales et citoyennes se sont dressées contre l'exclusion et le racisme. Des membres de la résistance et des survivants des camps nazis ont témoigné dans les écoles et nous voulons garder vivante leur résistance, car qui n'a pas de mémoire n'a pas d'avenir. Donc il faut redonner au 8 mai la place que ce jour mérite comme jour férié supplémentaire en Belgique, pour se souvenir et pour mettre en garde et pour défendre. Alors donc, il y a un rendez-vous à 11h au fort de Brendonck, monument de Verstander. Donc c'est à partir, donc c'est ce 8 mai. Et donc si vous voulez avoir plus de renseignements, il y a une coalition qui a été créée qui s'appelle Coalition 8 mai, que vous pouvez trouver sur Internet. Voilà. Ensuite, il y a également encore une marche le 8 mai. Et cette marche, c'est la troisième marche blanche en hommage à Sabrina et Wassine. Pour rappel, c'était aux alentours de 21h le 9 mai 2017. Sabrina et Wassine roulaient à moto lorsqu'une voiture de police tente de les arrêter pour non-respect du code de la route. Après une course-poursuite impliquant trois voitures de police, une quatrième voiture fait barrage en coupant brutalement la route à la sortie du tunnel Bailly sur la Mulhouse. C'est ainsi que Wassine, 24 ans, décédera sur le coup, alors que Sabrina, 20 ans, succombera à ses blessures dans l'ambulance. La Chambre du Conseil de Bruxelles a estimé que la course-poursuite était dangereuse et disproportionnée au regard des faits qui étaient reprochés à Sabrina et Wassine, à savoir le non-respect du code de la route. Mais il a fallu attendre 5 ans afin de faire inculper les policiers impliqués dans la course-poursuite ayant entraîné le décès de Sabrina et Wassine. Alors cette marche se veut pacifique en hommage à deux jeunes gens partis trop tôt. Il est demandé aux manifestants de porter du blanc, t-shirt blanc, rose blanche, ballon blanc, etc. Aucun slogan de haine ne sera toléré. Seuls les slogans et revendications préparés par les organisateurs seront permis. La marche renvoie à la non-violence, à l'image de Sabrina et Wassine. Alors, donc, elle commence à 14h et elle sera au-dessus du tunnel Bailly, au croisement entre l'avenue Louise et la rue du Châtelain à Bruxelles. C'est là qu'il y a le rendez-vous à 14h. Voilà. Ensuite, alors le 8 mai, encore beaucoup de choses, encore une chose. Alors il y a Sans Pape, la bière Sans Pape, qui s'associe au collectif de musique Who's Playing pour un Happy Sunday le 8 mai à la Zins. Alors il y aura DJ et programme électrique. Pour exprimer vos plus beaux pas de danse. Votre bière solidaire préférée sera évidemment de la partie. C'est un événement caritatif dont tous les bénéfices iront, comme toujours, à la cause défendue par Sans Pape, le droit au logement pour tous. Pour les petits creux et les grandes faims, donc, il y aura un buffet salé, sucré, proposé par Collecte Actif à prix libre. Entrée prix libre selon vos moyens. Donc c'est de 14h à 22h. Ce dimanche 8 mai, à Lazine, c'est 49 Avenue du Port, à Bruxelles. Et avant de continuer la deuxième partie de l'agenda militante, on va écouter Conscious Youth Kodamadop Guru Pope de l'album Fall of Capitalism avec le titre VR028. The state has its root in time, and it all ripened, it all rot this time. And folk could save the scene for paradise, you can't weed all the cracks. System crumble and demise. The stain has its root in time, and it all Alors maintenant, nous passons au 9 mai. Alors le 9 mai, comme tous les lundis, comme c'est un lundi, il y a la permanence squat à l'assaut du vide. Et c'est de 14h à 17h au Burtwinkel, 13 place Anne Essence à 1000 Bruxelles. C'est une permanence donc à la recherche d'un toit. Plus possible de payer le loyer ou tout simplement à vide d'espace. La ville regorge de bâtiments vides qui n'attendent qu'à être habités. Donc, c'est une permanence sur les habitats, les squats. Donc, si vous posez des questions, savoir un petit peu. Alors, vous avez un mail si vous voulez contacter quelqu'un. C'est remplir-le-vide@riseup.net. Voilà. Alors, maintenant, nous passons au 11 mai. Alors, le 11 mai, à l'atelier 210, donc du 11 mai au 15 mai, aura lieu le Fatsabak Festival, organisé par Fatsabat, une plateforme polymorphe autogérée avec une volonté d'être safer, porté à bout de bras et imaginé par et pour les communautés queer et les racisés, plus leurs alliés à Bruxelles. Fatsabat souhaite souligner l'urgence et le besoin d'espace safe par et pour les personnes qui s'identifient dans les vocabulaires queer et ou racisés de Bruxelles, soutenir ces communautés, les valoriser en les remplaçant dans un espace central. Donc, c'est l'atelier 210 donc, qui invite donc, les Fatsabat dans leur mur. Ça sera pendant 5 jours. On fait comme à la maison, durer 5 jours, en concentré, se retrouver, se rencontrer, partager, méditer, prendre soin et bien sûr célébrer la diversité de la communauté queer racisée bruxelloise à travers des workshops écriture d'autodéfense, des rencontres avec des invités, des performances, des lectures, des conférences autour de sujets qui nous habitent plus que jamais, la dépression, la non-monogamie, la religion, le racisme et les institutions, des projections pour redécouvrir des classiques ensemble, mais aussi des nouveautés, des concerts d'artistes qui ont travaillé dur durant cette période silencieuse et qui nous ont manqué. Alors, certaines programmations seront en mixité, en non-mixité choisie, certaines programmations seront en comité très limité. Alors, si vous voulez plus d'infos sur le site de Fatsabat, Fatsabbats, leur Instagram @Fatsabat, leur Facebook, le site de l'atelier 210 ou la campagne GoFundMe. Alors, c'est GoFundMe. Alors, il faut réserver par mail à fatlisting@gmail.com. Alors, fatlisting, c'est fatlisting@gmail.com. Donc, c'est du mercredi 11 mai au dimanche 15 mai, toute la journée, atelier 210, et c'est Chaussée Saint-Pierre, à 200, Chaussée Saint-Pierre 210, 1040, Bruxelles. Alors, le 11 mai également, il y aura au Sticky. Il y aura au Sticky à partir de 18h30. Alors, il y aura une conférence, une rencontre sur la hausse des loyers et aussi, pour lequel il faut hausser le ton. Alors, comme 60% des Bruxellois, tu es peut-être locataire et ton loyer, c'est grosso modo la moitié de tes revenus, il est aussi possible que tu doives changer de quartier à la fin de ton bail tant les prix ont augmenté et que ton proprio s'en fiche pas mal. Donc, se loger coûte de plus en plus cher, sans que la qualité du logement ne s'améliore, en tout cas, pas pour les personnes vivant de salaires modestes ou d'allocations. Ces dernières années, les loyers ont augmenté d'environ 25%, sans compter l'inflation, sauf que les revenus n'ont pas augmenté autant. Pendant ces 15 années, nous n'avons pas vu nos appartements et maisons gagner 25% de surface, ni les fenêtres changer pour baisser notre facture de chauffage de 25%. Alors, ça vient d'où cette hausse et que peut-on y faire? Donc, il y a une discussion qui va avoir lieu là-dessus. Alors, ça sera le mercredi. Donc, le mercredi 13 avril, c'est passé. Mais il y en a une autre le 11 mai. Donc, c'est ce 11 mai au Sticky. Et il y en a une troisième qui aura lieu le 15 juin. Donc, c'est de 18h30 à 20h au Sticky. Et c'est 4-6 rue Gustave Defnet à 1060 Bruxelles. Alors, la discussion se veut conviviale et sera suivie d'un repas à prix libre. Voilà. Alors, ensuite, je voulais quand même... Ah oui, il y a une autre rencontre. Rencontre, lecture, les communs, comment ça se travaille. C'est également le 11 mai et c'est au DK. Donc, les acteurs et les actrices et les acteurs du temps présent avec leurs complices au sein du DK, initie un cycle de réflexion et d'échange sur les communs. C'est quoi d'abord les communs? Le commun, un commun, une ressource naturelle, un bien, un faire ensemble, un projet politique. Il n'y a pas de définition commune. Pour mieux comprendre les différentes acceptations et implications de la notion, pour voir comment l'expérimenter et la déployer, le cycle propose un atelier de lecture, des rencontres avec des collectivités qui pratiquent un commun et des débats avec les auteurs de certains textes. Donc, le lancement et discussion de la proposition, donc c'est le 11 mai à 18h15 au DK. Et d'autres dates seront prévues. Donc, il faut consulter sur le site du DK. Voilà. Alors, ensuite... Donc c'est fini pour le 11 mai, mais je voulais quand même vous annoncer d'avance, parce que c'est le 14 mai, c'est la foire du livre Alternative à Gand, qui aura lieu, donc c'est la 19e foire du livre Alternatif à Gand, avec de nombreux stands locaux et d'ailleurs des distributeurs de bouquins. zine affiche sur l'anarchie, sur les luttes contre le patriarcat, le racisme et le militarisme. En plus, il y aura des discussions, ateliers, débats pendant la journée sur la guerre en Ukraine, le patriarcat, les violences sexuelles, l'intervention anarchiste dans les tensions sociales, la crise du logement et le squat, entre autres. Le soir, c'est la fête avec plusieurs groupes et DJ. Donc, c'est de 10 à 18 heures. After party à partir de 20 heures. L'entrée est libre. After party, 5 euros. Et c'est at T Landhuis, Warmus Zenirsweg. Excusez-moi pour mon accent, parce que je ne parle pas très bien néerlandais. Alors, Warmus Zenirsweg, 10 à Gand. Voilà. Bah, c'est tout pour ce soir. Merci, au revoir. C'est à l'écoute de... L'étrange honneur. L'étrange honneur.